Alors, si manger se dit mangiare, comment direz-vous je mange? Vous allez avoir besoin du O à la fin du verbe mange. C'est mangio? Oui, mangio, mangio. M-A-N-G-I-O, mangio, je mange. Donc, le O représente le je. Et on n'a pas besoin de dire io mangio. Si vous dites io mangio, c'est l'équivalent de moi je mange. Alors que je mange se dit tout simplement mangio. C'est le O qui signifie je, mangio. Il mange, elle mange ou vous mangez, pour le vouvoiement, se disent mangia. On a donc mangio et mangia. Mangio pour le je et mangia avec un A à la fin pour il, elle ou vous, quand on vous voit quelqu'un. Tout ça est valable pour tous les verbes qui se terminent en are, comme mangiare et parlare. Mais en fait, il existe, comme vous savez déjà, trois types de verbes. Ceux en are, comme par exemple mangiare et parlare, que vous connaissez déjà, ou aller, qui se dit andare. Et puis, on a les verbes en ere, comme vedere, voir, et en ire, comme partire, partir, ou venire, venir. Personnellement, je préfère classer tous les verbes en deux catégories, et non trois. Je dirais donc qu'il y a soit des verbes qui se terminent en are, c'est la première catégorie, soit des verbes qui ne se terminent pas en are, c'est la seconde catégorie. Pour représenter le je en italien, on a normalement un O dans les deux catégories. Pour il, elle et le vous du vouvoiement, dans la catégorie des verbes en are, on a un A. Prenons par exemple parlare. Je parle, se dirait parlo. Parlo, oui. Et vous parlez, il parle ou elle parle, comment dites-vous cela? Parla. Parla, c'est ça. Ça, c'était la catégorie des verbes en are. Dans l'autre catégorie, on a aussi un O pour représenter le je, mais pour le vous du vouvoiement, le il et le elle, on a un e, c'est-à-dire un simple e. Comment diriez-vous par exemple je vois du verbe vedere? Vedo. Vedo. Oui. Et vous voyez? Veda. Attention, quel est le verbe? Vedere. Oui, c'est ça. Vedere. C'est donc un verbe en ere. Alors, pour dire vous voyez, on n'aura pas un A à la fin, mais un... Ah oui, un E. Alors, vede. Oui, mais en insistant sur le premier E, pas le second. Vede. Vede. Vede, d'accord. Prendre se dit... Prendere. P-R-E-N-D-E-R-E. Prendere. Et donc, je prends. Prendo. Prendo. Et vous prenez. Prende. Prende. Et pour dire je le prends, lo. Lo prendo. Lo prendo, oui. Et vous le prenez. Lo prende? Lo prende, oui. Vous le prenez, littéralement, le prenez, puisqu'on omet le sujet vous. Comment diriez-vous pourquoi ne le prenez-vous pas? Perché non lo prendo, prende? C'est ça, perché non lo prende? Et comment diriez-vous je ne parle pas? Non non parlo. Non parlo, littéralement, ne parle. Non parlo. Et maintenant, comment diriez-vous « je parle français, mais je ne parle pas anglais » Nous avons déjà vu comment on dit « italien ». Maintenant, voyons « français » et « anglais ». Français, c'est « francese » et « anglais »,« inglese ». Vous voyez que la terminaison « a-i-s » donne « ese ». E-S-E en italien. Francese, inglese. Et vous remarquerez aussi le son ch de francese. C'est un C qui se prononce ch, francese. Rappelez-vous aussi l'expression mi piace, j'aime, où on retrouve ce C prononcé ch. Alors, je parle français, mais je ne parle pas anglais. Parlo francese, ma non parlo inglese. Inglese. Voilà. Parlo francese, ma non parlo inglese. Bon, je ne mange pas, se dit non mangio. Non mangio. Dites maintenant. Je ne suis pas occupée. Si la personne qui parle est une femme. Non è occupata. Je ne suis pas. Sono. Sono occupata. Non sono occupata. Non sono occupata. Ou non sono occupato pour un homme. Oui,